Chapitre 7e, la dernière condition. À partir de cette nuit, Luca Dolci, soit qu'il eût pris goût à sa vie nouvelle, soit qu'il fût poussé par la violence de son amour, suivit avec une sorte de fureur la voie que la marquise lui avait tracée. Au bout de 2 mois, il n'y avait point de jeux extravagants qu'il n'eût joué, de débauches monstrueuses dont il n'eût scandalisé l'opinion publique, d'aventurières qu'il n'eût affichées, d'honnêtes femmes qu'il n'eût compromises, de duels dont il n'eût été le héros implacable. C'était une chose qui faisait l'étonnement du monde et de Don José lui-même, que l'espèce de cruauté dont la conduite de Luca était entachée en matière d'amour comme en affaire d'honneur. Ses perfidies envers les femmes étaient barbares, et il montrait sur le terrain un courage farouche qui ressemblait à de la férocité. On lui cherchait en vain ces qualités secondaires mais brillantes qui parent d'ordinaire les grands vices et les font à demi pardonner. Dolci faisait la débauche avec une conscience impitoyable, joueur sans égard et duelliste sans générosité, poussant toutes ses veines à bout et toutes ses bottes à fond. Le monde ne pouvait attribuer cette bizarrerie qu'à une dureté de cœur naturelle. Mais, dans la pensée de Don José, Luca Dolci travaillait de parti pris à tremper son âme si vigoureusement qu'elle fut en état de briser un jour celle de la marquise Onesta. Au reste, Don José en était réduit aux conjectures touchant les dispositions et les sentiments de Luca. Quoique les deux jeunes gens eussent continué d'habiter sous le même toit, les relations de leur vie intime avaient été fort altérées par le changement de leur existence extérieure. Ils passaient dans le silence et dans une sorte de méfiance sombre les rares moments de tête-à-tête que les plaisirs du dehors leur laissaient. Quand Dolci ramassait une querelle, il était entendu que Don José lui devait servir de second. 2 fois, Don José fut blessé. Dolci veilla plusieurs nuits près de son lit. Mais jamais, depuis leur dernier entretien, un mot ne fut échangé entre eux qui pût faire allusion aux préoccupations dont leur esprit était évidemment chargé. La marquise cependant s'étonnait de n'avoir point revu ce cousin dont on parlait tant. Les bruits de la ville ne lui avaient laissé ignorer aucun détail de la métamorphose qu'elle avait provoquée. Elle avait pu suivre jour par jour les progrès de cette chute profonde dont il se rappelait avec complaisance qu'elle était le dernier terme. Les triomphes de Luca, les cris de jalousie, de haine ou d'envie qui s'élevaient autour de son insolente réputation n'étaient aux yeux de la marquise qu'une dot amassée par son jeune amant pour payer sa personne. Et cet entassement d'orgueil brisé commençait à lui paraître un piédestal digne d'elle. Mais, à part cette ambition déjà demi-satisfaite d'une coquetterie sauvage, le cœur de cette femme était touché de la passion extraordinaire qu'elle voyait au fond des égarements de Luca. Elle se souvenait de l'enfant débile qui un jour était venu tomber mourant d'amour à ses pieds. Elle se demandait avec intérêt et aussi avec curiosité ce qu'était devenue la pureté de ce front au contact de tant de souffles impudiques, la virginité de ses yeux au reflet de tant de regards corrompus, et quel cachet étrange enfin avait imprimé sur cette délicate physionomie les secrets appris coup sur coup de tous les impurs amours. Telle était la marquise, honnête femme d'ailleurs. Toutefois, Luca ne donnait à sa cousine aucun signe de vie. Il s'y prenait même de façon qu'elle ne le rencontrait nulle part. Après 2 mois d'une attente qui tournait à l'impatience, Madame Onesta lui écrivit pour le prier de venir la voir. Le jeune homme fit au billet la réponse suivante. « Madame, dans 1 mois, c'est-à-dire le 20 novembre prochain, j'aurai l'honneur de me présenter chez vous pour régler à l'amiable, s'il se peut, les affaires de la succession de votre oncle. Je ne m'abuse point. Et je sens que je ne suis pas encore digne de vous. Je ne puis jusqu'à présent vous inspirer que de la curiosité, et j'aspire à quelque chose de plus. C'est pourquoi je me résigne à demeurer encore pendant 1 mois votre cousin respectueux. » La marquise ne fut point contente de cette réponse. Elle la chiffonna avec violence et la jeta à terre. Puis elle releva le billet froissé, le relut attentivement, et finit par le mettre dans sa ceinture. Le monde, qui sait tout, on ne sait comment, avait répété quelques vagues propos touchant la passion que la marquise Giustiniani avait conçue pour Michel Gritti. Mais la contenance de cette dame, lorsqu'on s'entretenait en sa présence des amours de Gritti et de Giulia Contarini, démentait absolument ces bruits. Soit qu'une indifférence réelle à l'égard de ce cavalier eût succédé au violent transport de haine que ses mépris avaient d'abord soulevé dans le cœur de la dame, soit qu'elle puisât sa tranquillité dans quelque sombre résolution sûre de son effet, la marquise accueillait par le plus calme des sourires tous les discours qui se tenaient sur la conversion exemplaire de Michel Gritti. Parfois seulement, elle disait avec négligence en parlant des deux amants. Ils sont trop heureux. J'ai toujours vu que le ciel se montrait jaloux de ces grands bonheurs usurpés sur les félicités qu'il nous promet. Tôt ou tard, on les expie cruellement. C'était cependant, en apparence, un bonheur fort ordinaire que celui auquel la marquise faisait allusion. Les amours de Michel Gritti et de la petite Julia, après leur début romanesque, avaient suivi un cours très simple. C'était une prudente fille et fort avisée à sa manière que la petite Julia. Il ne faut pas demander aux plus honnêtes femmes de n'avoir point d'astuce. Le premier instinct des meilleurs comme des pires est la ruse. Pourvu qu'elle se serve de ce don naturel, comme l'abeille de son aiguillon, pour se défendre et non pour attaquer, il faut bien se résigner à les aimer rusées ou à ne pas en aimer une seule. La coquetterie n'est de fait qu'une variation savante et infinie sur le thème naïf de la pudeur, et je prie qu'on me dise si la pudeur, ce premier mouvement des femmes, n'est pas elle-même une ruse involontaire et charmante. Julia, qui était une de ces fines songeuses chez lesquelles la méditation des longs loisirs féminins mûrit vite la délicatesse de tact particulier à ce sexe, Julia, dès sa première entrevue avec Gritti, avait senti que la plus habile coquetterie vis-à-vis de ce jeune homme blasé mais généreux serait de n'en point avoir. Aussi, tout en menaçant Gritti de longues épreuves, avait-elle pris dès ce jour le parti judicieux de ne pas user la passion de son amant en vaines humiliations. Toutefois, le fanatisme religieux qui se mêlait à l'amour de la jeune fille ne lui permit pas d'épargner à Gritti l'espèce d'amant honorable dont le péristyle de Sainte-Marie-Formose fut le théâtre. Sérieuse et vraie dans son ardeur de conversion, elle tenait à faire la part du ciel dans sa conquête et ne voulait l'amour du pécheur qu'après sa pénitence. Mais dès le lendemain de cette nuit d'épreuve, comme Gritti essayait de préjuger à part lui quelle serait la durée probable de sa vie d'expiation, il reçut un message qui le mandait au palais Contarini. Michel, tout en s'y rendant avec joie, eut la bonhomie de s'inquiéter de l'apparente maladresse qu'il voyait dans cette démarche de Giulia. Car, se disait-il, il est malheureusement certain que la plus honnête et la plus jolie des femmes a besoin d'une nuance de coquetterie capricieuse, et c'est ce dont cette pauvre chère enfant ne paraît point se douter. Michel oubliait que cet enfant était une femme, et qu'il faut qu'une femme soit bien décidément sotte, pour n'avoir pas plus d'esprit qu'un homme qui en a beaucoup, touchant les affaires du cœur. Gritti trouva, comme la veille, Madame Caracalla sur son piédestal, et Giulia, genoux sur la tapisserie tropicale, œuvre indéfinie de sa vieille parente. Giulia était occupée à débrouiller des écheveaux de soie que sa levrette avait entrepris mal à propos de dévider avec ses pattes. « Que Dieu vous favorise, messer, » dit la vieille dame. « C'est un vœu que votre chère présence réalise en même temps que vous daignez le former, madame, » répondit Gritti. « Messer, Giulietta a désiré vous voir. J'ai toujours reconnu en cet enfant, malgré sa méchanceté, des signes qui m'indiquent que le bon Dieu l'aime et qu'il fait marcher ses anges devant elle. Je souhaite que cela justifie à vos yeux la faiblesse que je montre pour ses plus étranges volontés. » Giulia rougit, et repoussant vivement de ses deux mains les boucles blondes et soyeuses qui couvraient ses joues, « ma tante !» dit-elle. « En vérité, voulez-vous donner à croire à Sir Michel que ces visites ici sont inconvenantes ? Écoutez-moi, Mercer. Car encore faut-il s'expliquer. J'ai réfléchi depuis hier. J'ai réfléchi qu'il devait être cruel pour un noble cavalier qui porte une épée de traverser la ville sur ses genoux par l'ordre d'un enfant, fût-ce nom du ciel et en vue du ciel, car le ciel ne le voit pas seul. Il y a des hommes qui le voient et cela est cruel, oui. » Aussi j'ai pensé que c'était assez de l'acte public de repentir dont Dieu a été témoin cette nuit. Et maintenant ? Maintenant je ne vous demande plus qu'une chose. Comme vous avez appris à connaître la vie de désordre et de péché, ayez le courage de vivre parmi nous quelque temps, afin d'être en état de comparer et de choisir. Voilà tout, messer. Je ne vous parlerai plus d'aucune autre épreuve. Aussi bien celle-là sera suffisamment dure, puisqu'il faudra que vous nous voyiez à peu près tous les jours, ma tante Caracalla et moi. Mais enfin, monseigneur a été soldat, je crois. Savez-vous ce qui arrivera de tout cela? Vous finirez par nous aimer de bonne amitié, ma tante et moi. Allons, tout beau, Fiamma, laissez en paix ces pauvres oiseaux. Il n'y a que vous au monde, ma fille, pour prendre au sérieux les oiseaux de ma tante. Ainsi parlait Giulia, interrompue de temps à autre par quelques paroles émues et incertaines de Gritti, mêlant avec une vivacité sautillante des traits d'enthousiasme à des réflexions positives et une délicatesse vraie à une insensibilité affectée. À partir de cette journée, Michel Gritti commença de mener dans l'intimité de ces deux femmes une vie pleine d'enchantements inconnus. Les grâces naturelles et variées de Giulia, animant cet intérieur dont l'austérité bienveillante de la vieille dame Contarini formait le côté sérieux, firent éprouver ou pressentir à Gritti ce bonheur nouveau pour lui, et si sain au cœur de la vie de famille. Son âme élevée et bonne, comme est l'âme des hommes forts, sentit qu'elle était au bout de ses recherches. Comme ces brillants insectes, qui voltigent longtemps autour de calices empoisonnés sans en souiller leurs antennes, avant que d'arriver la fleur qui contient la rosée de miel, cette âme d'élite, après avoir touché sans être viciée à tous les plaisirs du monde, reconnaissait enfin sa place et fermait ses ailes. Tout cela ne faisait pas le compte du cavalier Vespasiano, qui s'était définitivement enroué à force de jurer contre les petites filles dévotes, les rosaires, les moines et le Saint-Père. Un jour, Michel Gritti lui dit que, sur le portrait qu'il avait fait de lui à Giulia, la jeune signora éprouvait le plus vif désir de le voir. Vespasiano pesta, rugit, prétendant qu'il n'irait point, qu'il n'avait jamais pu donner honnêtement la main à une dame, et qu'il briserait tout. Bref, il finit par accompagner Michel chez la signora Giulia. Giulia, qui aimait d'avance le cavalier pour l'affection qu'il portait à Gritti, lui fit un accueil de câlinerie, s'informant de ses guerres, le complimentant sur son air martial, et le prit enfin de consentir à ce qu'elle l'appelât désormais son bon ami. Vespasiano n'était point de fer sous son apparence terrible. Il déclara à Gritti, en sortant, que cette jolie créature était faite à l'image des séraphins les plus spirituels dont il lui ouït parler dans son enfance. « Quant à la tante, ajoutait le cavalier, je n'en reviens point de son piédestal, ni surtout de sa tapisserie. Quel peut être son plan, noble Michel? J'avoue que je ne m'en rends compte que difficilement. » Bientôt, Michel n'alla pas au palais Contarini sans être suivi de Vespasiano, et au bout de peu de jours, le cavalier avait pris sa place dans cette vie sans événements, mais remplie de détails ravissants qui semaient la fantaisie ingénieuse et imprévue de Giulia. Le cavalier Vespasiano avait une belle voix que Giulia découvrit et qu'elle prenait plaisir à accompagner sur son clavecin, car elle touchait de cet instrument comme la reine Élisabeth d'Angleterre. Souvent Gritti, appuyé sur le fauteuil de la vieille dame, qui l'appelait déjà sa mère, passait de longues soirées à écouter et à contempler Giulia et Vespasiano, couple bizarrement assorti dont les contrastes, aussi bien que l'union harmonieuse, lui formaient alors une chère image de sa propre destinée. Parfois, Vespasiano abaissait sa valeur jusqu'à tenir à Madame Caracalla ses écheveaux, et il fallait voir, en ces circonstances, la joie de Giulia, ses battements de mains et les tendresses enfantines qu'elle prodiguait au cavalier. « Allons, allons, mignonne !» disait la tante. « Quel enfant !» ajoutait paternellement Gritti, riant malgré lui de l'air gauche et effaré dont Vespasiano se défendait contre les taquineries amicales de la jeune fille. D'autres jours se passaient en promenade sur la mer et en visite à l'île de Torcello, où les Contarini avaient une villa. On revenait quand la nuit était tombée. Il n'était pas rare alors que Giulia, animée par la présence de son amant, exaltée par la sereine beauté des nuits italiennes, par les fraîches brises marines et les parfums des rives prochaines, se mit à catéchiser les deux cavaliers avec une sorte de tendresse mélancolique. Elle était assise sur des coussins entassés à la proue de la barque. Les deux jeunes gens étaient à ses pieds, à demi couchés sur des tapis. Tantôt elle leur expliquait les choses de la religion avec une touchante ferveur. Tantôt elle s'attendrissait jusqu'aux larmes en leur contant de naïves légendes et des conversions miraculeuses. La voix d'une femme aimée qui vous parle à ces heures de silence et de mystère, sous le ciel étincelant et sur la mer grandiose, a sur l'âme une puissance bien pénétrante et bien souveraine. Aussi, de ces simples récits ou de ces tendres enseignements, Gritti et Vespasiano lui-même rapportaient toujours un esprit plus sérieux, plus méditatif et plus porté vers Dieu. Un jour, c'était le 6 du mois de novembre, Giulia avait l'air plus grave que de coutume. Elle prit à part Michel Gritti et lui dit, en jouant avec un parchemin scellé qu'elle tenait à la main, « Vous savez que le doge est un peu mon parent par ma mère et qu'il m'aime tendrement. Qui nous aimerait, Julia ? C'est un sage vieillard, reprit-elle. Il m'a conseillé, mes sœurs, de ne pouvoir épouser un homme qui n'aurait pas d'occupation dans le monde. Je ne vous répéterai pas toutes les raisons qu'il m'en a données, mais elles m'ont paru si bonnes que je compte rester fille. « Pour Dieu, signor !» s'écria Michel hors de lui. « Oui, très décidément, » continua Julia, « jusqu'au jour qui vous ramènera de Naples, où la sérénissime République vous envoie porter un message au vice-roi, duc de Osuna. Voici vos lettres de créance, monsieur l'ambassadeur, » ajouta-t-elle en lui remettant le parchemin scellé. « Le doge, chez lequel vous allez vous rendre, vous dira le reste. Ce sera votre début dans les affaires. Oh, pas un mot, messer, pas un mot d'adieu surtout. Je hais les adieux comme la mort. Vous pouvez être revenu dans 15 jours, et alors ?» Julia hésitait. « Et alors, cher enfant ?» demanda Gritti en regardant Julia avec une émotion profonde. « Alors, messer, » reprit-elle lentement et baissant la tête à mesure qu'elle parlait, « alors ?» Votre amie deviendra votre femme. » Et Gritti prit la fuite comme un coupable vers la porte de l'appartement. Mais comme elle tenait déjà la portière soulevée, elle se retourna tout à coup et envoya de la main un baiser à son amant. Le soir même, Michel Gritti, que le cavalier Vespasiano accompagnait à titre de secrétaire, se mit en route pour la vice-royauté de Naples. Cependant, la marquise Onesta, depuis qu'elle avait reçu de Luca Dolci cette réponse froide et presque railleuse, vivait dans une agitation d'esprit extraordinaire. Elle sentait qu'elle n'aurait plus de repos jusqu'au jour où elle serait éclaircie des sentiments de son cousin à son égard, et qu'elle avait été, par sa propre imprudence, amenée au point, sinon d'aimer ce jeune homme, au moins d'attacher une importance extrême à être aimée de lui. Elle regrettait amèrement d'avoir laissé prendre un homme cet empire sur sa pensée et sur sa vie. Mais il était trop tard pour s'en défendre. Elle voulait revoir Luca à tout prix, et il y avait, dans l'impatience maladive avec laquelle elle attendait le jour fixé par son cousin pour leur entrevue, 1000 sentiments confondus, un désir de se venger mêlé à une ardente curiosité, et peut-être, par-dessus tout, une passion plus tendre dont la fière marquise n'osait avoir conscience. Ce jour, c'était le 20 novembre, arriva enfin. La marquise n'avait pu fermer l'œil de toute la nuit. Les heures de cette journée s'écoulèrent pour elle comme toutes les heures où l'on attend, mortellement lente pour l'espoir et cruellement rapide pour le regret. Le soir arriva, puis la nuit, sans qu'elle entendît parler de Luca. Alors elle n'attendit plus, et un morne désespoir succéda aux émotions de dépit, d'incertitude et de colère qui l'avaient agitée tout le jour. Il était 10 heures. La marquise, résolue à occuper autant qu'il lui serait possible une nuit qu'elle pressentait sans sommeil, passa dans une vaste pièce qui servait autrefois de bibliothèque au comte son oncle. Elle y fit allumer un grand feu, puis, ayant tiré au hasard des rayons poudreux, un livre à fermoir d'argent, elle revint s'asseoir près du foyer. Un candélabre chargé de bougies brûlait au-dessus de la haute cheminée. La marquise, le livre sur ses genoux et soutenant sa tête de sa main gauche, ouvrit les fermoirs avec insouciance. Mais son attention fut excitée tout à coup par les mots qu'elle lut sur la première page. C'était un traité des apparitions surnaturelles advenues en divers lieux. Par un mouvement involontaire, Onesta releva la tête et regarda autour d'elle dans les profondeurs mal éclairées de la vieille salle. Après quoi, elle sourit et se remit à feuilleter le volume. Heureuse d'avoir trouvé une distraction assez forte pour faire diversion à ses pensées, elle se plongea dans cette lecture et finit par prendre intérêt au récit lugubre qui était fait avec une bonne foi sympathique. Comme elle suivait avec une forte émotion les détails mystérieux et effrayants d'une vieille légende d'Allemagne, il lui sembla tout à coup entendre près d'elle un singulier bruit. À certaines heures, et quand l'esprit est sous le coup de certaines impressions, les bruits qui se font autour de nous n'ont plus rien d'humain. La marquise porta les yeux avec un peu d'effroi du côté d'où le bruit était venu et vit en face d'elle, debout contre la portière, Luca Dolci qui la regardait. Alors, poussant un léger cri, elle se leva brusquement et le livre légende tomba sur le pavé. « C'est moi, cousine, » dit Luca d'une voix dont la sonorité âcre et mordante pouvait aider à l'illusion qui retenait encore la marquise dans un monde surnaturel. Onesta ne répondit point, elle était tout entière absorbée dans la contemplation si inattendue de ce jeune homme qu'elle avait livré pur et inconnu aux passions du monde et que le monde lui rendait chargé d'une célébrité voluptueuse et sanglante. La beauté de Luca Dolci n'avait pas été altérée par sa vie de désordre. Elle avait seulement changé de caractère. La douce finesse de ses traits était devenue pour ainsi dire acérée. Les contours de son visage pâli avaient perdu de leur naïveté, mais ils avaient gagné de la hardiesse. Il semble que l'innocence répande autour d'un beau visage, comme la lumière d'un jour d'été sur la nature, je ne sais quoi de vague et de vaporeux qui adoucit les angles et tempère la crudité des contours. Les traits de Luca s'étaient dépouillés de cette sorte d'auréole ou d'atmosphère virginale. Ils apparaissaient froidement découpés, par un effet analogue à celui qui dessine plus durement sur le ciel les lignes d'un paysage à la tombée de la nuit. À travers ses longs cils, toujours à demi inclinés, son regard brillait froid et pénétrant, comme une lame d'acier sortant d'une gaine de velours. Ses lèvres amincies paraissaient serrées par une contraction habituelle et lui donnaient un air de résolution réfléchie et contrainte. Rien, au reste, ne pouvait mieux expliquer les succès prodigieux de ce jeune homme auprès des femmes que l'étrangeté en quelque sorte provocante de sa physionomie ou les traces d'une douceur et d'une délicatesse féminine se retrouvaient encore sous l'expression presque féroce qui avait ajouté les habitudes d'une débauche insolente. « C'est moi, cousine, » répéta Luca Dolci, après avoir donné une minute à la marquise pour apprécier les changements survenus en sa personne. « Ne me faisiez-vous pas la grâce de m'attendre, que je vous vois là, tout émerveillé ?»« Je vous demande pardon, cousin, » dit Onesta. « Je vous attendais, c'est-à-dire, non, je ne vous attendais pas. Et au fait, je n'en sais rien. Je lisais. Asseyez-vous. Vous voyez, j'ai fait allumer du feu. Le froid est précoce cette année, savez-vous ?»« Bon, » dit Luca, en s'asseyant nonchalamment vis-à-vis de sa cousine. « Vous m'attendiez ?»« Vous êtes devenu bien avantageux, cousin, » répliqua la marquise en essayant de rire. « Mon Dieu, non !» répondit Dolci en relevant le vieux livre, sur lequel il souffla pour en chasser la poussière, après quoi il le posa sur la table. Il eut alors un moment de silence, durant lequel Luca Dolci demeura la tête baissée, regardant vaguement dans le foyer. La marquise jouait avec les fermoirs du vieux livre qu'elle avait repris. « Avez-vous remarqué, madame, » dit tout à coup Dolci en relevant la tête, « que les choses sont plus fortes que les hommes ?»« Je m'en soucie peu, messer. » »« On est bien fou, cousine, de se dire, à telle époque, je ferai telle ou telle chose. Il faut dire, les choses feront de moi ceci ou cela. C'est plus sûr. » « Ceci revient à m'apprendre, » dit la marquise, « qu'un homme n'est qu'un homme, et que les choses sont le pouvoir de Dieu, je le savais. »« Le pouvoir de Dieu, marquise, sans doute, comme il vous plaira. »« N'est-ce pas un livre de philosophie que vous lisiez là ?»« Vive Jésus, c'est bien fait. Il n'y a personne qui à son heure ne soit bien aise d'avoir quelques grains de philosophie dans la cervelle. C'est une chose, la philosophie, cousine, qui trouve son trou à coup sûr comme une balle de pistolet. » « Vous savez sans doute tirer le pistolet, madame. » La marquise se leva brusquement, le sein agité, les lèvres tremblantes, et dit d'une voix brève à Luca. « Vous plaît-il de m'apprendre, messer Luca, quel jeu nous jouons tous deux ?» Luca s'était levé de son côté. Il demeura quelques secondes immobile, fixant sur sa cousine son regard incisif et glacial. Puis, par un changement soudain, ses traits se détendirent, un éclair brûlant de passion jaillit de ses yeux devenus humides. Il attire avec force la marquise sur sa poitrine et appuya ses lèvres sur la bouche de la jeune femme qui se tordit et se renversa sous ce baiser, mais non pour le fuir, car Luca sentit qu'elle le lui rendait. La voyant éperdue et presque privée de sentiments, il la laissa retomber doucement dans son fauteuil et se mettant à deux genoux devant elle. « Que vous êtes belle et fière, dit-il, et que je vous aime. » La marquise alors se pencha sur lui, le regarda quelque temps en silence, et lui prenant soudainement la tête entre ses mains avec une énergie fiévreuse. « Vraiment ? » dit-elle. « Vraiment ? Vous le voyez bien, chère âme. J'ai voulu vous effrayer d'abord, et c'est moi qui ai eu peur. J'ai voulu vous faire douter, et c'est moi que le doute jette à vos pieds. Loin de vous, madame, je suis fier, dédaigneux et vainqueur. Mais là, en face de votre sublime beauté, quoi que j'aie fait et souffert pour elle, il me semble que l'abîme qui m'en sépare est toujours immense, et que votre amour seul, à vous, peut le combler. « Luca !» murmura la marquise en effleurant de ses lèvres et de son ardente haleine le front du jeune homme. Mais aussitôt, et avant qu'il eût pu songer à la retenir, elle avait repoussé son fauteuil et se trouvait à 6 pas de lui. Dolci, stupéfait, se leva. « Luca !» reprit la marquise. « N'approchez pas !»« Vous dites que je suis fier, cela est vrai. Et à cause de cela, je ne veux être la maîtresse de personne, pas même la vôtre. Quant à être votre femme, c'est moi, maintenant, » ajouta cette singulière femme en baissant les yeux d'un air de confusion. « C'est moi qui suis indigne de vous. » « Qu'y a-t-il donc ?» demanda Luca, qui, tout en se mordant la lèvre jusqu'au sang, reprenait peu à peu son air impassible. « Il y a que j'étais imprudente et folle. Vous m'aimez peut-être assez aujourd'hui pour m'épouser malgré ma faute, mais il viendrait un temps où elle ferait votre malheur et ma mort. Votre faute, avez-vous dit ? Oui, ma faute. Faute et honte, » reprit amèrement la marquise. « Car il existe un homme à qui j'ai dit que je l'aimais, qui ne s'en est pas soucié, et qui pourrait se vanter que vous avez épousé l'objet de son mépris. »« Mort et sang, qui ?» demanda Luca. « C'est le noble fiancé de Giulia Contarini, Michel Gritti. »« Oui, Luca, le fiancé de Giulia Contarini. La seule femme, peut-être, que vous n'ayez jamais songé à marquer du sceau de votre conquête, mon cousin. » La provocation cachée dans ces paroles semblait si évidente que Luca Dolci interrogea longtemps la marquise du regard pour savoir jusqu'à quel point il venait d'être la dupe d'une ruse infâme, d'une comédie de passion inspirée par l'esprit de vengeance. Mais la marquise, que son front fût courbé par l'humilité ou par l'hypocrisie, qu'un désespoir réel ou qu'un odieux calcul soulevât son sein superbe, demeurait impénétrable. Donc, reprit Luca, faisant de la tête et de la main le geste d'un homme qui s'abandonne à un destin plus fort que lui, donc cet obstacle est le dernier entre nous. Le dernier, Luca, mais invincible. Et si je le tue, cet homme ? Toi, toi, enfant ? Reprit la marquise. Songez-vous, Luca, de qui vous parlez ? Comprenez-vous ce que vous me proposez ? C'est bon, dit Luca. Je songe à tout, cousine, et je comprends tout. Mais je vous aime d'une passion terrible. Ne craignez pas de reproches. Dites-moi, ensuite, si je vis, vous serez ma femme, enfin, n'est-ce pas ? Ta femme, ta maîtresse, ta servante, mon Luca. Car tu es plus fort et plus grand que tous, et je t'aime. Mais il ne faut pas, tu le comprends au moins, dis-moi, il ne faut pas que cet homme hautain puisse rire de nos amours, à nous. Non, non, sans doute, répondit froidement Dolci. « Faites-moi venir seulement votre confesseur, Fra Mozzo. » La marquise, étonnée, frappa 3 coups sur un timbre. « C'est parfait, » dit Luca. « Un moine qui obéit au même signal que les laquais, c'est ce qu'il me faut. » Fra Mozzo entra. « Ma cousine, » continua Luca, « veuillez dire à ce bon père que ce que je vais entreprendre est pour votre service. »« Oui, mon père, faites ce que vous dira Ser Luca Dolci. Vous l'avez vu ici autrefois. » « Vous devez vous rappeler que c'est indigne et saint jeune homme. » Fra Mozzo éternua. Sans doute il avait sur Dolci des renseignements d'une date plus récente. « Je vous le commande, » ajouta la marquise. « Savez-vous par hasard, mon révérend, » dit Luca, « si Ser Michel Gritti est revenu de Naples ?»« Non, mais on l'attend au premier jour, » répondit le moine, « pour passer outre à son mariage avec la signorina Contarini. » Ne perdons pas de temps, en ce cas. Adieu, cousine. Ne m'offrez pas votre belle main, madame. Ce n'est pas l'heure de s'attendrir. Venez, mon père. » Luca Dolci, suivi de Fra Mozzo, sortit du palais. Une gondole était amarrée au bas du quai. Il y entra avec le moine.